Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio cousue main, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, Élysée 81, une série de Christelle Le Polothek réalisée par Anne Fleury. Au départ de cette série, il y a une furieuse envie de plonger dans les archives et de remonter le temps pour dérouler le récit d'une élection restée dans les mémoires et faire revenir toute une époque. Mais pour ça, il faut se souvenir du suspense des résultats. Alors pour commencer, les personnages, des journalistes sur le coup, un candidat qui se prononce, un homme en grève de la faim, un futur président, un bientôt président sortant et un ministre au passé impardonnable. Ensuite, le décor, du suspense, le Liban, une soirée électorale, la rue de Marignan, le mois d'avril, l'écologie, le nucléaire, la peur du communisme, du sommeil, un bon entourage, des meetings, un débat, le passé et le passif. Aujourd'hui, troisième épisode, on remonte le temps. Je vous le disais, nous avons tenté d'être le plus complet possible au lendemain de ce premier tour des élections présidentielles. Mais ce matin, vous l'avez peut-être constaté d'ailleurs en regardant de 7h à 9h Antenne 2 pour une émission spéciale, tous les grands candidats étaient avec nous dans ce studio, tous, il est vrai, réunis sous un seul et même sourire. Caméra, il y a la 2 et la 1. Alors je m'adresserai aux Françaises et aux Français, c'est à un tous appel. Ceux qui ont voté pour moi hier. Les feuilles mortes se ramassent, un appel. Et à toutes les Françaises et à tous les Français qui ont voté pour moi pour ce premier tour. Et je leur rappelle qu'avec les voix d'Huguette Bouchardeau, d'Arlette Laguiller, de Michel Crépeau et de Marie-France Garraud, de Brice Lalonde, de Michel Debré. Eh bien, c'est la victoire assurée pour moi au second tour. Et à cet égard, c'est fondamental. Mais mon ami, vous n'êtes pas au second tour. Le suspense de l'entre-deux-tours. Il y avait ce matin à 9h dans la petite église de Chanona presque plus de journalistes que de fidèles. Avant d'aller voter, monsieur et madame Valéry Giscard d'Estaing, monsieur en costume prince de Galles et madame en manteau beige, ont en effet assisté à la messe du premier dimanche après Pâques. Et c'est à pied qu'ils se sont ensuite rendus à la mairie dans une toute petite salle où il y avait, comme partout, un buste de Marianne, deux isoloirs et un portrait de Valéry Giscard d'Estaing président et le président a regardé, comme les photographes, le citoyen candidat accomplir son devoir électoral. Monsieur Giscard d'Estaing, à voter. Georges Marchais a voté ce matin de bonne heure, lui aussi à Champigny-sur-Marne, sa circonscription. Leslie Letac était présent avec le micro de France Inter. 807. Marchais, Georges. C'est ça. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Oh, je vais regarder peut-être un peu aussi le sport, non? Un peu le sport. Voilà. quelle sera votre journée, monsieur Marchais? Mais vous, qu'est-ce que vous faites? Allez voter pour moi, c'est un bon conseil. Avant midi, pratiquement, les 10 candidats avaient voté, sauf François Mitterrand, qui s'est présenté à la mairie de Château-Chinon aux environs de 16h. Le candidat socialiste avait attendu une éclaircie entre deux giboulées. Il ne reviendra pas à Paris ce soir. Il fera vraisemblablement une déclaration vers 22h à l'hôtel du Vieux-Morvan. À Beyrouth, il a fallu aux électeurs français beaucoup de conscience et de courage pour voter. Un couple d'âge moyen résidant dans la banlieue nord est passé par la montagne pour éviter tout risque. Il a fait une trentaine de kilomètres et franchi 17 barrages routiers. Bonsoir. 19h50, ce sera le début de la soirée électorale France Inter TF1. 20h, première estimation Sofresse sur les votes et suffrages remportés par chaque candidat. La participation officielle à 17h, selon le ministère de l'Intérieur, 66,15% contre 71,3% en 1974. Tous les candidats sont rentrés à Paris pour suivre les résultats. François Mitterrand est resté à Château-Chinon. Journée nationale de la déportation, le président de la République est allé s'incliner devant le mémorial. Liban, violent bombardement de l'aviation israélienne sur Saïda. Nouvelle semaine de grève pour l'Irlandais Bobby Sands, la tension monte en Ulster. La météo, pluie, vent et giboulée. Le tiercé à Longchamp, combinaison gagnante 11, 9 et 5, des rapports sans doute moyens. Dans un peu moins de 50 minutes très exactement commencera la soirée exceptionnelle France Inter TF1 au studio 102 de la maison de Radio France pour les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. Je vous donne tout de suite les deux temps forts du début de cette soirée électorale. 20h au quatrième top, première estimation de la Sofres sur les votes et les suffrages remportés par chaque candidat. On devrait savoir, sauf coup de théâtre, quels seront les deux qualifiés pour le deuxième tour et par conséquent, quels seront les 8 éliminés. 20h15, premier débat, suivi par la soirée d'information non-stop jusqu'à 1h du matin. Tout de suite, la façon dont ces estimations ont été organisées, si Pierre Veil, qui est en correspondance avec les personnes qui servent les ordinateurs, peut se suspendre un instant. Expliquez-nous, pour qu'on en mesure le degré de fiabilité, comment est recueillie, comment est calculée une estimation, Pierre. Oui, alors il faut rappeler, bien sûr, qu'il s'agit d'une estimation, c'est-à-dire d'une mesure faite sur un échantillon de bureaux de vote, en l'occurrence 250 bureaux de vote, et qu'à partir de cette mesure, on essaye de calculer quels seront les résultats pour la France entière. Alors, à ce propos, j'ai une dernière estimation sur l'abstention. Oui. C'est 19,3%. C'est-à-dire participation au taux... Participation 80,7%. France Soir, 27 avril. Un monde fou, fou, fou. La cohue sur 2000 mètres carrés et 7 étages. Le PC giscardien de la rue de Marignan, dimanche soir, a connu à tous les niveaux, entre 22h et 22h30, des minutes d'intense pagaille. Bousculade, chaleur étouffante sous les spots des télévisions. Les plus anciens revivaient les heures exaltantes de 1974. Alain Delon, lunettes légèrement fumées, transpirait à grosses gouttes sous sa veste de tweed grise et dénouait le col de sa chemise tout en soutenant la blonde Mireille Darc. Jacqueline Huette et Daniel Gilbert se pressaient entre les ministres Papon et Giraud. Monique Pelletier, présidente des comités de soutien giscardien, était auprès de la danseuse Ludmila Tcherina, dont la rosette de Légion d'honneur rehaussait la robe noire. Dès qu'il est arrivé, Valérie Giscard d'Estaing s'est enfermée quelques minutes dans son bureau pour mettre la dernière main à la déclaration qu'il avait préparée à l'Élysée, après avoir pris connaissance des premières fourchettes. Nous sommes le 26 avril 1981. Les électeurs ont voté. C'est dans une atmosphère internationale tendue que débute un entre-deux-tours où tous les coups sont permis. C'est l'heure des ralliements, des trahisons, des non-dits et des volte-face. La droite tente de présenter un front uni face à la menace d'une collectivisation brutale si la gauche arrivait au pouvoir. Mais certains candidats, comme Marie-France Garraud, annoncent déjà qu'ils voteront blanc. À gauche, Marché soutient officiellement Mitterrand, tout en évoquant en interne l'hypothèse d'un vote révolutionnaire en faveur de Giscard d'Estaing. Mais pour l'heure, revenons à l'annonce des résultats. Tout de suite, je vous rappelle les tout derniers chiffres publiés il y a donc un peu plus d'une heure et demie par le ministère de l'Intérieur. Ils portent sur plus de 36 millions d'inscrits. Il ne manque donc plus pratiquement que les résultats de la Polynésie et de 10% à peu près des Français de l'étranger. Ça donne 28,27% pour Valéry Giscard d'Estaing, 25,87% pour François Mitterrand, 17,96% pour Jacques Chirac, 15,37 pour Georges Marchais. Tout ça montre déjà à quel point les électeurs de Jacques Chirac pour le camp Valéry Giscard d'Estaing et ceux de Georges Marchais pour le camp François Mitterrand vont jouer à fond dans leur poids pour le second tour. Nous allons en parler dans cette édition spéciale. Nous allons analyser les grandes indications du premier tour, le recul du Parti communiste, la montée du Parti socialiste, les 4 points perdus par le candidat Giscard d'Estaing par rapport au premier tour de 1974, et puis la déception relative des supporters de Jacques Chirac, relative compte tenu du fait que quand même, la semaine dernière encore, certains l'annonçaient comme sûr pour le second tour. Le tout bien sûr pour déboucher sur les perspectives de ce deuxième tour, qui s'annonce d'ores et déjà très très serré entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. D'abord donc, l'information de la matinée, c'est le plus neuf, le plus chaud. Jacques Chirac vient officiellement de prendre position. Il votera à titre personnel pour Valéry Giscard d'Estaing. Il demande à ses électeurs de choisir comme ils veulent, en confiance, et il se montre très sceptique sur le changement proposé par François Mitterrand. Quelles que soient ses intentions, Monsieur Mitterrand, avec un programme économique qui a échoué partout où il a été appliqué, et les alliances politiques dont il n'a pas voulu se dégager, ne serait pas en situation d'y réussir. En effet, je ne peux pas ignorer les conséquences que comporterait pour la France la participation du Parti communiste au pouvoir. Reste M. Giscard d'Estaing. Peut-il y parvenir, lui qui, président sortant, n'a réuni sur son nom qu'un peu plus du quart des suffrages. Pour cela, il doit renouveler profondément sa politique et ses méthodes, prendre les moyens d'augmenter la production pour diminuer le chômage, réduire les prélèvements de l'État sur la nation, mener une politique étrangère et une politique de défense ferme et claire. S'agissant de l'élection présidentielle, où ne restent en présence que deux candidats au second tour, il n'y a pas lieu à désistement. Le 10 mai, chacun devra voter selon sa conscience. À titre personnel, dans l'esprit que je viens de rappeler et dans la ligne de l'action politique que j'ai toujours menée en faveur d'un certain type de société, je ne puis que voter pour M. Giscard d'Estaing. La parole est désormais au peuple français. Présidentielle, Marie-France Garraud a décidé de voter blanc. Enfin, Jean-Marie Le Pen, président du Front National, a demandé de s'abstenir ou de voter blanc ou de voter nul. Nous ne voterons pas Mitterrand pour ne pas le transformer en futur Allende, a-t-il dit. Nous ne voterons pas Giscard, nous avons été les parias de la Ve République, nous n'en serons pas les harkis. Les prix, la politique n'arrête pas l'inflation. L'indice de mars publié par l'INSEE indique une hausse de 1%. Principaux responsables, les produits alimentaires et les services. 7h05. En Irlande du Nord, Jean-Paul II envoie son émissaire pour tenter de désamorcer la poudrière. Le père John Maggie, le secrétaire personnel du pape, s'est rendu hier soir à la prison où est enfermé Bobby Sands. Le député catholique entame aujourd'hui son 60e jour de grève de la faim. Il sombre peu à peu dans l'inconscience. Mais le père Maggie a quand même pu s'entretenir pendant une heure avec lui. On ne sait pas ce qu'ils se sont dit. Pendant ce temps-là, Belfast se prépare à nouveau à la violence. C'est ce qu'a constaté notre envoyé spécial Christian Billman. Dans les rues du quartier de Falls Road, catholique et donc républicain, les petites épiceries sont dévalisées. On stocke les aliments comme on fait des provisions de médicaments et de pansements. Précaution déterminée par les consignes de l'IRA qui demande par exemple qu'en cas d'incident avec la police ou avec l'armée, les portes des maisons restent ouvertes pour que ces hommes poursuivis puissent y trouver refuge. Les partis protestants, de leur côté, s'efforcent de démontrer qu'ils sont prêts à affronter le choc de la colère catholique après la mort de Bobby Sands. Les volontaires armés s'entraînent à la défense des quartiers, la protection civile se met en place. 2000 hommes, hier, se sont rassemblés sur Shankill Road, en plein fief du pasteur Ian Paisley, et les armes et les cagoules y étaient ostensiblement présentes. Voyons maintenant les ralliements pour les deux candidats qui restent en piste. À gauche, on peut noter le désistement de Michel Crépeau. Le candidat radical de gauche avait d'ailleurs déjà annoncé dès dimanche soir sur France Inter et TF1 qu'il appellerait à voter Mitterrand au second tour. Il l'a confirmé officiellement ce matin même au micro de Jean-Paul Bonamy en parlant au nom du comité directeur des radicaux de gauche. Il appelle les Françaises et les Français à se rassembler autour de François Mitterrand, qui porte désormais l'espérance de toute la gauche et de tous les républicains. Demain, à la présidence de la République, il sera l'homme d'État dont la dimension nationale et internationale assurera la véritable sécurité des Français. Aux côtés de François Mitterrand, les radicaux de gauche seront les garants du développement de toutes les libertés et de l'application des principes de décentralisation, d'écologie, et d'initiatives individuelles. J'ajoute encore une prise de position, elle vient d'arriver à l'instant, c'est celle d'Huguette Bouchardot du PSU. 1% des lecteurs avaient voté pour elle dimanche dernier. Huguette Bouchardot, comme elle l'avait déjà dit le soir même sur France Inter et TF1, appelle donc maintenant à voter François Mitterrand. Elle s'explique au micro de Noël Fantoni. Nous pensons qu'aucun des changements que nous voulons, nous, dans ce pays, n'aura lieu avec Valéry Giscard d'Estaing. Et nous pensons qu'un second septennat serait sans doute pire que le premier, pour le chômage, pour les femmes, pour le nucléaire. Et tout particulièrement, je voudrais m'adresser aux écologistes. Je ne comprends pas qu'on puisse être écologiste et avoir une quelconque hésitation entre Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand. Les propositions de François Mitterrand sur le nucléaire ne sont pas forcément assez claires. Il ne s'est pas prononcé contre le surgénérateur de Creys-Malville et il accepte un programme nucléaire jusqu'en 85. Seulement, à côté du programme du tout nucléaire de Valéry Giscard d'Estaing, les 10 surgénérateurs qu'il nous promet, alors là, il n'y a pas d'hésitation possible. Clairement, mais sans manifester un enthousiasme débordant, le Parti communiste apporte donc son soutien, sans condition, à François Mitterrand pour le deuxième tour des élections présidentielles. Georges Marchais l'a dit hier soir à la télévision, avant tout, il faut battre Giscard et changer de politique. Mais le secrétaire général du PC regrette que le candidat socialiste ait un programme flou et refuse des ministres communistes. Bien sûr, on attendait la réaction de François Mitterrand, et bien vous allez l'entendre, il n'est pas surpris par la décision des communistes. En arrivant à Paris, lorsque je suis allé rejoindre mes amis politiques, j'ai pris connaissance des dépêches d'AFP qui, en effet, me faisaient état de la décision du comité central. Alors, si vous voulez une information, elle ne m'a pas surpris. Cela se situe dans le cadre d'une responsabilité politique qu'assume la direction, enfin, le comité central des partis communistes, et de ce point de vue, on ne peut pas se tromper. Ce sont des gens responsables. Bon, alors, quant à savoir ce que j'en pense plus précisément, j'ai mon temps, hein, je suis pas pressé, je vais dormir là-dessus. Je me préoccupe surtout pour l'instant de savoir ce que moi j'ai à dire sur mes propositions. Je n'ai aucun dédain pour les propositions des autres et je me réjouis chaque fois que j'aperçois que le rassemblement populaire auquel j'aspire s'élargit. C'est le cas. Enfin, cela mérite quand même examen, je suis sûr que nous aurons l'occasion d'en reparler. Vous avez 16 ans et vous voulez devenir typographe? Vous dessinez et vous voulez en faire votre métier? L'Office national d'information sur les enseignements et les professions répond à ces questions et à bien d'autres. Dans les collèges et les lycées, l'ONICEP met des brochures à votre disposition. Renseignez-vous auprès de votre établissement scolaire ou dans les CIO. L'ONICEP vous informe. Choisissez votre route. En Italie, les brigades rouges ont remis ça. Les terroristes ont enlevé hier soir un ancien dirigeant de la démocratie chrétienne. Ils ont tué son chauffeur et son garde du corps. Une correspondance de notre envoyé spécial à Rome, Pascal Delannoy. Football, une équipe offensive pour le match de demain soir contre la Belgique et qui compte pour la Coupe du Monde. L'arrivée de Gengini, le retour de Soler et de Marius Trésor. Commentaires et pronostics de Pierre Loctin. Le candidat Giscard ne perd donc pas de temps. Déjà deux meetings hier soir à Dole et à Dijon où le président sortant, qui insiste sur le choix de société, a d'entrée de jeu attaqué son adversaire à qui il reproche d'être l'otage des communistes. Je sais ce que certains d'entre vous pensent. Monsieur Mitterrand est rusé. Une fois élu avec les voix des communistes, il saura bien s'en débarrasser. Eh bien, il est temps de se réveiller. Car le rêve va devenir cauchemar. On ne bâtit pas une politique, on ne conduit pas la vie d'un grand peuple sur la tromperie. Monsieur Paul Ramadier a chassé les communistes du gouvernement en mai 1947, mais quelques mois plus tard, les grèves chassaient Paul Ramadier du gouvernement. Est-ce donc le désordre que souhaite le pays? Est-ce à partir du désordre que nous allons faire le choix de l'avenir? Et je vous dis, si M. Mitterrand est élu, ce sera ou l'ordre communiste ou le désordre socialiste. Le premier devoir d'un président de la République est de rassembler les Français. Or, je constate avec regret que la façon dont M. Giscard d'Estaing engage sa campagne du deuxième tour lui interdit désormais d'y prétendre. Il est grave de l'entendre mettre en accusation la majorité des Français qui l'ont désavoué dimanche. Les libertés seraient en danger, dit-il. Je lui réponds hautement. N'insultez pas ceux qui, contre vous, veulent conquérir la liberté de vivre hors des angoisses du chômage dans un pays réconcilié et qui pensent que se défaire d'abord de votre politique, c'est une chance de vivre mieux. Je ne le suivrai pas sur ce terrain. Il divise et je veux réunir. Jacques Chirac, lui, était à Lille. Dans le fief de Pierre Mauroy, justement, il a critiqué le flou total des socialistes sur la participation des ministres communistes au gouvernement. Il s'agit d'un simple accord électoral de désistement, ce qui a permis au Parti socialiste d'éviter de répondre à une question qui tout de même se pose, et qui est de savoir si demain, la France sera le seul pays du monde libre à avoir des communistes au gouvernement, avec ce que cela comporte comme conséquence dans le domaine de sa crédibilité sur le plan international. Pourquoi ne veut-on pas nous le dire? Pourquoi nous le cache-t-on avec une telle obstination? On ne me fera tout de même pas croire que les dirigeants socialistes, à commencer par le chef de l'État, ne savent pas aujourd'hui si, vainqueurs demain aux élections législatives, ils prendront ou non des ministres communistes au gouvernement. Enfin, c'est stupéfiant comme réaction. Je veux dire que ça s'apparente à la malhonnêteté intellectuelle. Nettoyer n'est pas désinfecter. Même si chaque jour, vous nettoyez vos sanitaires, vous ne les désinfectez pas pour autant. Pour exterminer les microbes, utilisez une arme antimicrobe radicale, l'eau de Javel. L'eau de Javel, celle que vous connaissez depuis toujours. Un peu d'eau de Javel dans vos sanitaires et ils seront parfaitement désinfectés. Aujourd'hui encore, tandis que la bourse montrait son inquiétude en reculant de près de 2% ce midi, eh bien un certain nombre de personnalités ont pris position, soit pour Giscard d'Estaing, soit pour Mitterrand. Je vous propose de faire le point en ce domaine. Ont pris position en faveur de Valéry Giscard d'Estaing, M. Alban Chalandon, ancien ministre, ancien secrétaire général du mouvement gaulliste, président d'Elf Aquitaine. M. Lucien Neuwirth, député RPR de la Loire. De même que le GAP, qui rassemble une quarantaine de parlementaires du RPR et de l'UDF. Ont pris position en faveur de François Mitterrand. M. René Dumont, candidat écologiste à l'élection présidentielle de 1974. M. Alain Touraine et une trentaine de scientifiques. Ainsi que M. Raymond Drone, compagnon de la Libération. En marge de l'aspect politique de cette élection, alors ce qui surprend tout de même tous les observateurs, Martine Larraigneau, c'est, je crois qu'on peut le dire, l'extraordinaire résistance physique des deux candidats d'ailleurs. Alors est-ce que ces deux candidats ont un profil particulier? Oui, ils ont un profil particulier. Je me suis renseigné auprès des psychologues et des psychiatres. Ce sont ce que l'on appelle des lutteurs. Et un lutteur, ce n'est pas n'importe qui, c'est quelqu'un qui répond à un registre très précis. Ce ne sont pas vraiment des surhommes, mais ils ont une personnalité particulière et un solide bagage génétique, croyez-moi. Ceux qui sont dans les conditions de gagner ne sont pas taillés comme les autres. Énorme résistance physique, dynamisme, énergie, peu de sommeil mais régulier. Nécessité d'un entourage, très costaud, ce ne sont jamais des hommes seuls, même si ce sont des solitaires. Une énorme foi en soi, ils ne connaissent pas le doute. Enfin, un très solide entraînement. Ils vont jusqu'au bout de leurs forces, mais savent où s'arrêter. Ils se ménagent dans l'effort. Alors, si vous avez des anecdotes à nous conter, disons. Alors, les anecdotes, moi, je ne les ai pas suivies pendant la campagne, mais nous avons un certain nombre de nos confrères qui l'ont fait. Et par exemple, Patricia Charnelet et Paul Amar ont suivi M. Giscard d'Estaing et ont découvert qu'il avait perdu 2 kilos, qu'il ne fume pas, ne boit pas, dort régulièrement 7 heures par nuit, fait sa gymnastique tous les matins. Pour lutter contre la fatigue, a recours, malgré les difficultés de la campagne, à la marche, la lecture, la musique. Mène une vie régulière, dîne en famille, mange peu et paraît-il assez diététique. Alors le candidat Mitterrand, si j'en crois Merlino et Pradino, a l'habitude d'a trouver un moyen formidable. Il vit sans montre et c'est son chauffeur qui est le gardien du temps. C'est très décontractant, paraît-il. Alors il mange, me dit-on, un peu n'importe quoi et de temps en temps on l'a vu prendre de gros sandwichs. Son frère et son beau-frère, Roger Hanin, le suivent presque partout. Ils font partie de l'entourage solide dont nous parlions. De temps en temps, il a, on peut même pas dire un coup de pompe, mais de temps en temps, un petit arrêt, une demi-heure et il repart. Et alors, son réconfortant, c'est la promenade solitaire. Bien, fin de ce journal des présidentielles. À la porte de Pantin à Paris, manifestation enthousiaste cet après-midi en faveur de Valéry Giscard d'Estaing. Le citoyen candidat prêt à rencontrer Jacques Chirac avant ou après le deuxième tour. Critique à l'encontre de François Mitterrand, dénigré n'est pas proposé, critiqué n'est pas conduit. François Mitterrand à la réunion des experts économiques. Valéry Giscard d'Estaing incarne la politique qui a échoué. Je représente l'autre politique qui reposera sur l'adhésion profonde du pays. Pierre Mendès France, une nouvelle donne est nécessaire pour transformer la société française. Bobby Sands est mourant et les forces de sécurité d'Irlande du Nord sont en état d'alerte. Dénouement heureux du détournement du Boeing d'Aer Lingus, le Premier ministre irlandais remercie le chef de l'État. Au Liban, négociations avec les Syriens à partir de demain pour une éventuelle réconciliation. 100 000 à 120 000 personnes, selon les organisateurs, étaient rassemblées cet après-midi à la Porte de Pantin à Paris pour la Fête de la Liberté, dernière grande réunion giscardienne avant le deuxième tour de l'élection présidentielle. Des centaines d'autobus sur plusieurs kilomètres, 27 trains spéciaux de toutes les régions de France, des voitures particulières qui ont embouteillé les parkings, une dizaine de chapiteaux surmontés de ballons bleu-blanc-rouge, des projections cinématographiques, Nicole Croisy, Mort Schumann, Georges Guettari, 27 groupes folkloriques, Mireille Mathieu qui a chanté la Marseillaise, Alain Delon qui a lu un texte de Victor Hugo sur le suffrage universel, tout était réuni pour que l'accueil au président sortant se déroule dans l'enthousiasme le plus total. Le Monde, 8 mai 1981. Lettre ouverte de Claude-Marie Vadreau, journaliste à Brice-Lalonde. On t'a aidé, on a voté pour toi. On a dit que t'étais le meilleur. On t'a trouvé très bon à la télé. Et grâce à cette campagne, nos idées ont progressé dans nos têtes autant que dans celles des Français. Reste donc ce qui va se passer dimanche prochain. Je comprends ton souhait de laisser les écolos en paix pour faire leur second choix. Je comprends ton désir de ne pas les vendre aux plus offrants et promettants, mais... Dimanche après-midi, je suis allé à la Porte de Pantin voir et écouter Giscard et les Giscardiens. Tu ne peux pas imaginer ce que c'était. Le festival commençait par la grande affiche du président avec « Oui au nucléaire et non au club de Rome ». Tout un programme. À l'intérieur, on célébrait la croissance, la consommation, la bouffe sauvage, le gaspillage et la peur des autres. On y a glorifié le refus des différences, on s'est pâmé devant la France, fille bâtarde d'une courbe de croissance et d'un marchand d'armes. Tous ceux que nous redoutons, tous ceux que nous trouvons sur notre route quand il faut défendre un site, repousser une pollution, détourner une autoroute, éviter une centrale, sauver une rivière, ils étaient là à hurler « Vive Giscard !» Je ne méprise pas, je constate. Brice, nous n'avons rien à voir avec cette France-là. La France des fausses satiétés, la France qui détruira et abîmera tout parce qu'on ne lui a rien appris d'autre. Dis donc, ta mère m'a dit qu'elle allait se faire vacciner contre le tétanos. Mais nous, on est vaccinés ? Ah, moi j'ai eu une piqûre cet été, hein. Bah tu sais bien quand je me suis coupée. Attention, une injection n'est pas nécessairement un vaccin. Seul le vaccin, avec un rappel tous les 10 ans, vous protège durablement. Alors faites le point tétanos avec votre médecin. Votre santé dépend aussi de vous. Loin de l'atmosphère festive des meetings, la campagne ne cesse de s'envenimer. Les fantômes du passé ressurgissent. Boissieu, gendre du général de Gaulle, remet en cause la résistance de Mitterrand pendant la guerre. Le 6 mai, le Canard enchaîné publie un article dans lequel il révèle la responsabilité de Maurice Papon, alors ministre du budget de Giscard, très impliqué dans la campagne, dans la déportation de 1690 juifs, français et étrangers, alors qu'il était secrétaire général de la préfecture de Gironde durant l'occupation. Le traditionnel débat télévisé entre les deux candidats s'annonce pour le moins tendu. Dans moins d'un quart d'heure sur France Inter, vous pourrez donc suivre le duel Mauroy-Chino qui sera le premier grand débat de la campagne du second tour. Le premier, mais peut-être pas le seul. En effet, le face-à-face télévisé qui doit opposer Messieurs Giscard d'Estaing à Mitterrand pourrait avoir lieu malgré de très grosses difficultés d'organisation. Pour l'instant, les deux camps ne sont pas du tout d'accord sur la façon dont le débat devrait se dérouler. Monsieur Giscard d'Estaing, qui sait qu'il passe bien sur le petit écran, souhaite un duel classique à la française, comme en 1974, les deux adversaires face à face se renvoyant la balle avec une seule règle précise, l'égalité du temps de parole. Monsieur Mitterrand, lui, réclame un débat à l'américaine. Au lieu d'être face à face, les deux adversaires seraient côte à côte, comme pour des conférences de presse parallèles. Il répondrait alternativement au feu roulant des questions posées par quatre journalistes. Voilà schématiquement résumé les positions de Giscard et de Mitterrand. En ce moment même, Alain Johannes, on poursuit les contacts entre les deux états-majors pour trouver une solution. Oui, François Mitterrand vient de voir arriver sur son bureau de la rue de Solferino une lettre urgente et personnelle signée Valéry Giscard d'Estaing. Voici les points essentiels de cette missive. « Je ne pose aucune condition », écrit M. Giscard d'Estaing, « et je souhaite qu'on cesse de finasser à propos des modalités de cette émission capitale pour l'information et le choix de nos compatriotes. Le président sortant refuse la présence d'intermédiaires et suggère de s'en remettre au président de la Commission nationale de contrôle pour la désignation d'un répartiteur des temps de parole. « Vous pouvez compter sur ma loyauté », souligne Valéry Giscard d'Estaing, « tous les Français en seront témoins ». Et de conclure, « je serai dans le studio de télévision mardi prochain à 20h30 ». Cette lettre a été simplement enregistrée pour le moment par l'état-major du candidat socialiste. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne modifie pas du tout les données initiales de la controverse. L'arrêté ministériel fixant les horaires de la campagne officielle laisse en blanc la soirée du mardi 5 mai. Voilà, M. Giscard d'Estaing a donc dit qu'il serait à la télévision mardi à 20h30. En quelque sorte, il attend M. Mitterrand qui se retrouve au pied du mur. Le duel. Le duel Pierre Mauroy contre Roger Chineau. Nous souhaitons ce face-à-face entre François Mitterrand et M. Giscard d'Estaing. Ce que nous demandons simplement, c'est qu'il y ait des arbitres. Et c'est bien normal, tout match, bien normal qu'il y ait des arbitres. Et qu'il n'y ait pas des arbitres qui soient désignés par le président de la République lui-même, ou indirectement, mais que ce soit des journalistes qui soient les arbitres de ce match, des journalistes qui puissent poser des questions à l'un et à l'autre, et ensuite, naturellement, les deux candidats débattant ensemble du sujet de ces questions. Nous demandons simplement cela. Et le reste, ce sont des modalités sur lesquelles il sera facile de se mettre d'accord. Alors à quoi assistons-nous ? On assiste à un président de la République qui, curieusement d'ailleurs, le soir même où 70% des Français avaient désavoué le bilan de son septennat et son œuvre pendant 7 ans à la présidence de la République, est venu dire « je réclame, comme on réclame un ballon, je réclame un débat à la télévision ». J'en réclame un deuxième, pourquoi pas un troisième, pourquoi pas un quatrième ? Bien, si vous voulez, je vais arbitrer pour aujourd'hui. Roger Chineau, vous répondez. Oui, je trouve cette position curieuse pour nos compatriotes, comme les hommes politiques que nous sommes, vous et moi. Nous débattons ensemble démocratiquement, sans qu'il y ait de problème à cet égard, n'est-ce pas ? Et je veux dire, c'est curieux d'imaginer que deux hommes, qui d'ailleurs ont déjà eu l'occasion de débattre ensemble au long de leur carrière politique, et notamment en 1974, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, que brutalement l'un d'entre eux se sente mal à l'aise à l'idée de se trouver seul en face de son challenger. C'est plus employé le terme à la mode. Alors moi je trouve que dans les affaires de débat, l'opinion y est parfaitement préparée. Je veux dire que le milieu de l'information aussi, c'est un débat par principe en ce qui me concerne à la française. C'est-à-dire que les deux candidats entre eux sont tout à fait capables d'organiser en fonction de leur intelligence et de leur connaissance des dossiers, qui peut être différente suivant l'un ou l'autre. Mais ça c'est leur problème. Peuvent très bien organiser, comme ils l'ont fait d'ailleurs par avoir ce débat, que le débat soit objectif et loyal. Il n'y a qu'une seule règle du jeu, je me souviens, ayant été amené à discuter avec l'entourage de M. Mitterrand en 1974, la seule règle du jeu, c'était bien entendu le chronomètre. C'est celle d'ailleurs que nous avons ce soir entre nous. Le chronomètre, c'est normal, comme ça le temps de parole, chacun utilise son temps de parole comme il l'entend. Quant au fait qu'il soit complet, M. Mauroy, mais bien sûr qu'il soit complet, mais pour qu'il soit complet, eh bien pourquoi ne pas en faire deux ? Et j'en profite de ma présence à ce micro pour dire à nos compatriotes une chose très simple. En fait, M. Mitterrand a peur de discuter avec le président de la République sortant. Je dis de là tout net que ce serait très inquiétant s'il devait devenir chef d'État. Je me demande s'il aurait peur de discuter sans arbitre avec des chefs d'État si un jour, par malheur, il devait représenter la France. C'est la seule conclusion que j'en tirerai pour ce soir. À Montpellier, François Mitterrand tenait cet après-midi le premier meeting de sa campagne du second tour. Le candidat socialiste a voulu couper court à la polémique sur le fameux face-à-face télévisé avec Valéry Giscard d'Estaing. Pour François Mitterrand, les choses sont claires, le président sortant s'accroche à toutes les branches. Finissons-en avec ce modeste incident. Je vais dire seulement que si le candidat sortant a énoncé sur un ton combinatoire sous forme de diktat le 26 avril, un certain nombre de propositions. Si, dès le surlendemain, j'ai énoncé les miennes, nul n'est autorisé à dire que les siennes sont des propositions et les miennes des conditions. J'accepte tout débat loyal. Je veux m'assurer de cette loyauté. Je n'en demande pas davantage, mais qu'on n'attende pas autre chose de moi. Ce n'est pas la campagne qu'on organise depuis quelques jours Sur le thème, il ne veut pas, il a peur de nous rencontrer. Que pourrait-il faire alors s'il était chef d'État en face des autres? Comme si M. Giscard d'Estaing, dans l'État où il est, était si redoutable. Nous allons rattraper l'actualité qui n'existait pas à ce moment-là pour que les gens qui, en ce moment, vont peut-être au cinéma, entre les deux tours, je ne sais pas, est-ce qu'ils y vont d'abord? Si vous avez des statistiques là-dessus? Oui, ils y vont davantage en ce moment. Ah bon? Oui. Ah, c'est intéressant. Ah oui, à mon avis. Il y a une réanimation de la demande cinématographique, comme on oui, dit alors. Je crois que les grands shows télévisés sont un petit peu fatigants. Oui, d'accord. La télévision est devenue tellement emmerdante qu'évidemment, on va au cinéma. D'accord, c'est l'opinion de Charles Soule qui n'engage que lui, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il vous leur recommande de voir? Vous avez 27 minutes, je suppose, je vais faire comme à la télévision. Si tu continues comme ça, il n'y en aura plus du tout. Alors, quel est le film qu'il faut absolument qu'ils aillent voir? Elephant Man. Allemagne, mère blafarde. Absolument. Et Georges? Elephant Man et Allemagne, mère blafarde. Alors, Elephant Man, Robert Benayoun, le film de David Lynch. Commençons par celui-là, si tu veux bien. Campagne en vue de l'élection du président de la République. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing et Monsieur François Mitterrand, interrogés par Michel Cotta et Jean Boissonnat, journaliste. Bonsoir. Nous voici donc réunis pour ce débat entre les deux participants au deuxième tour de l'élection présidentielle, Monsieur Valéry Giscard d'Estaing et Monsieur François Mitterrand. Ce débat a été organisé par la commission de contrôle avec l'accord des représentants des deux candidats. Il sera dirigé par deux journalistes choisis d'un commun accord, Michel Cotta, journaliste à RTL, et moi-même, Jean Boissonnat, journaliste à l'Expansion et chroniqueur à Europe 1. Nous devons veiller à l'organisation, à l'animation et au déroulement de ce débat. Chaque candidat disposera de 50 minutes pour répondre aux questions que nous leur poserons et qu'ils se poseront l'un à l'autre. Puis il leur restera à chacun 5 minutes pour conclure. Nous avons regroupé en 3 grands thèmes les questions qui peuvent être posées. Le premier autour des problèmes de politique intérieure. Le deuxième sur les questions de vie quotidienne des Français et de la vie économique. Le troisième sur les problèmes de politique extérieure. La commission de contrôle a demandé à ce que les personnes qui sont présentes dans cette salle ne manifestent pas leurs sentiments pendant le déroulement du débat. Aussi, nous les remercions d'avance de bien vouloir taire ou leurs enthousiasmes ou leur réprobation pendant la durée de la discussion. Commençons donc par la politique intérieure. Première question. Lorsque vous disiez, en 1974, je prendrai, c'est dur à l'État au moment des promesses électorales, je prendrai toutes les mesures nécessaires pour garantir votre emploi, à vous salariés, à vous travailleurs, à vous ouvriers, et aussi pour garantir votre revenu, à vous épargnants, à vous agriculteurs. Lorsque vous disiez toujours, pendant votre septennat, en 78, c'est grâce à cet effort, le vôtre, que la France n'est pas comme d'autres pays sur la voie d'un accroissement du chômage, mais qu'au contraire, elle a pu entamer une réduction significative du nombre des demandeurs d'emploi. C'était le 26 janvier 1978 à Auxerre. Lorsque vous disiez, dans le même discours, l'emploi, en particulier celui des jeunes, ne cesse de s'améliorer. On nous prédisait 1,5 million de chômeurs, ils seront bientôt moins d'1 million. On en compte aujourd'hui 1,7 million. Lorsque vous disiez, un certain nombre de signes qui ne trompent pas montrent que le creux de la vague est derrière nous, le 4 décembre 1975. Vous vous êtes toujours trompé. Et comment imaginer que vous pourriez faire demain, si vous étiez réélu, ce que vous n'avez pas su faire au cours d'un premier septennat? 7 ans, c'est long, ça permet de faire beaucoup de choses. Et d'ailleurs, expliquez-moi comment vous pourriez faire une majorité dans ces conditions avec le RPR. Monsieur Chirac déclarait le 2 février 1979, nos performances économiques, dont vous paraissiez tout à l'heure si satisfait, nos performances économiques sur tous les points sont très médiocres. Sur ce point, je ne me dissocie pas de monsieur Mitterrand, qui fait la même analyse et le même diagnostic. Bon, alors, je termine sur ce sujet en disant que j'ai là un texte qui a été publié par la Fédération patronale française de la métallurgie dans son mensuel social international, et qui dit qu'au championnat du monde de l'économie parmi les 15 principaux pays industriels, la France se situe en 13e rang. Cela n'est pas la preuve d'une très grande réussite. Maintenant, question m'est posée sur le collectivisme. Non, maintenant je vais répondre d'une phrase. Oui, oui. On posera la question après cette charge. Je le comprends très bien. Vous me faites penser au mot de Rivarol. C'est un terrible avantage de n'avoir rien fait. Mais il ne faut pas en abuser. En effet, vous gérez le ministère de la Parole, ceci depuis 1965 ou depuis 1974. Moi, j'ai géré la France. Vous faites d'abondantes citations de Jacques Chirac. Pourquoi ne citez-vous pas une seule fois le nom de M. Marchais depuis le début de cette émission? Ce serait plus intéressant. Il apporterait des éléments plus proches de votre analyse. Et concernant les performances économiques, j'ai eu l'occasion de répondre. Un président de la République, il doit entraîner son pays, il ne doit pas le décourager. Il est donc naturel qu'à tout moment, il cherche à lui proposer des objectifs de redressement ou d'amélioration. S'il fallait entrer dans le détail, nous ne le ferons pas. Je vous rappellerai que ce que je disais en 1978 était exact. Il y a eu deux chocs pétroliers. M. Mitterrand n'explique pas tout, mais ils ont ébranlé notre économie. Le premier a eu lieu en 73-74, et nous commencions à en sortir dans les années 77-78. Monsieur Boissonnat, je vous prends un témoin. Nous avions à l'époque une diminution en effet légère du chômage, la hausse des prix était tombée au-dessous de 10%, nous avions une croissance supérieure à 3% par an, nous étions en train d'en sortir. Vous savez sans doute qu'il y a eu un second choc pétrolier à la suite des événements d'Iran, et ceci à partir de la mi-79, et qui a relancé à nouveau toutes les difficultés économiques et le chômage. Et je me suis efforcé, face au premier et face au second, de redresser la situation de la France. Nous avions obtenu un premier redressement dans les années 77-78. Il est incontestable. Nous sommes actuellement, à l'heure actuelle, en train de nous dégager lentement du second choc pétrolier. J'avais des résultats aujourd'hui, d'ailleurs, la balance des paiements de la France pour le premier trimestre de 81, et un net progrès par rapport à 1980. Donc, ne recherchons pas les citations du passé dans lesquelles vous vous complaisez. Je n'aurais pas la cruauté de vous relire ce que vous disiez quand vous appeliez à la réalisation du programme commun avant 1978, ou lorsque vous opposiez à la Constitution de 1958, dont vous cherchez à être maintenant le président de la République. Donc ceci, c'est le passé. Nous devons éclairer les Français sur ce que nous allons faire, nos choix pour l'avenir. J'ai proposé un programme pour l'emploi, critiquez-le, mais nous ne jouons pas à ce petit jeu des citations. Peut-être qu'avant d'en venir à l'emploi, nous pouvons demander à M. Mitterrand de répondre à la critique de ceux qui lui reprochent d'être prisonnier, soit encore du programme commun, ou tout au moins de sa philosophie, qu'il croit retrouver dans le projet socialiste. Et je prends un seul exemple, celui des nationalisations, parce que c'est celui qui est le plus public. Est-ce que vous avez toujours le programme de nationalisation? Et si vous pensez que ça résoudra le problème des entreprises que vous entendez nationaliser? Et comment seraient indemnisés les propriétaires actuels de ces entreprises? Vous ne voulez pas parler du passé, je comprends bien, naturellement. Et vous avez tendance un peu à reprendre le refrain d'il y a 7 ans, l'homme du passé. C'est quand même ennuyeux que dans l'intervalle, vous soyez devenu, vous, l'homme du passif. Cela gêne un peu votre démonstration d'aujourd'hui. Les deux chocs pétrolier, c'est vrai, bien entendu. Ce n'est pas la peine de prendre un ton professoral pour vous dire on l'a remarqué. Figurez-vous qu'on l'a remarqué nous aussi, qu'il y avait eu deux chocs pétroliers. Et je ne suis pas de ceux qui vont dire que le coût du pétrole ne compte pas et lourdement dans les difficultés qui sont nôtres. Mais tout rejeter sur le pétrole, ce n'est pas vrai. J'ai dit moi-même que je ne rejetais pas. Oui, mais la part est plus grande encore que celle que vous sous-entendiez. Pour ce qui concerne le programme commun et la liste des nationalisations qui y figurent, bien entendu, elle se trouve un peu contredite par l'événement, dans la mesure où, vous le savez, un certain nombre de ces sociétés que l'on ne voulait pas que je nationalise ont été dans l'intervalle internationalisées par le grand capital. Je pense en particulier à Roussel-Luclaf et à certaines branches, mais ça c'est un problème très actuel, de Péchiné. Mais la liste en question reste la liste que je retiens. En effet, je compte nationaliser les banques, ce qui reste non nationalisé depuis la nationalisation des banques exécutée toutes par... Toutes les banques, M. Mitterrand. Les banques, toutes les banques. Le général Grandes de Gaulle, et petites. Le général de Gaulle avait fait l'essentiel en 1945. Il avait regretté en 1947 de ne pas avoir tout fait. Eh bien, il m'incombera de le faire à mon tour. Et 11, je crois, groupes industriels. La liste que j'ai déjà produite, c'est à valeur de contrat. Ce qui veut dire que qui n'est pas dans cette liste ne sera pas nationalisé. Si plus tard, il devait y avoir des évolutions, il y en aura, c'est-à-dire de nouvelles concentrations capitalistes tendant au monopole dans des secteurs clés de l'économie, alors il appartiendra au Parlement. lors de futures élections, c'est-à-dire lorsque les Français seront en mesure de souscrire un nouveau contrat avec les responsables politiques. Monsieur Mitterrand, mais tant que je serai responsable dans la situation présente, la liste est une liste limitative. Monsieur Mitterrand, m'autorisez-vous une question plus personnelle? Je vous en prie. Est-ce que, quand vous dites « c'est un contrat, je le respecte », vous voulez signifier par là qu'il y a des symboles en politique qui ont leur importance et qu'il faut savoir plier à ces symboles telle ou telle appréciation d'opportunité que l'on peut avoir? Autrement dit, êtes-vous, vous, au fond de vous-même, convaincu qu'en faisant cela pour résoudre des problèmes de la France, ou convaincu qu'en faisant cela, vous créez un symbole autour duquel vous pouvez réunir des forces qui permettront de résoudre d'autres problèmes? Non, Monsieur Boissonnat, je suis convaincu que le gouvernement de la France aura le plus grand besoin pour conduire l'économie d'un vaste secteur public qui, déjà aujourd'hui, est la véritable locomotive de l'investissement et de l'exportation en France. Et lorsqu'il y a des secteurs importants où la concurrence a cessé d'exister, c'est-à-dire où le grand capital a dévoré les petites et moyennes entreprises, je pense qu'il appartient à la nation d'intervenir. François, 6 mai 81. Numéro 1 d'un soir du box-office, Valéry Giscard d'Estaing et François Mitterrand ont mené, hier, une rude concurrence aux gens du spectacle et aux restaurateurs. Le débat n'a eu en revanche aucune incidence sur l'affluence aux matchs de football pour le championnat de France. Dès 20h15, la rue de Rivoli, la place de la Concorde, les Champs-Élysées connaissent un avant-goût de 15 août. Circulation fluide, pas le moindre embouteillage. Au Harris Bar ou au Fouquet's, les vapeurs d'alcool et la fumée des cigares, symbole des soirées animées, ne piquent pas les yeux des quelques consommateurs accoudés au bar. À la Coupole, vers 21h30, le rouge des banquettes domine, tandis que chez Lip, boulevard Saint-Germain, les clients sont dispensés exceptionnellement des 80 minutes d'attente habituelles à cette heure-ci. Eh bien, c'est le moment, mesdames et messieurs, bonjour, de passer la parole à monsieur Chaboux, qui va tout nous dire sur une météo, ma foi, qui n'est pas tellement du genre. En mai, fais ce qu'il te plaît. Ah, pas tout à fait. Et puis, vous savez, sur les pluies du mois de mai, les avis sont partagés. Vous avez ceux qui disent, quand il pleut beaucoup en mai, le laboureur est satisfait. Vous en avez d'autres qui disent, au mois de mai, faudrait qu'il ne plût jamais, ou bien encore, pluie de mai grandit l'herbette, l'herbette en un seul mot, mais c'est signe de disette. En tout cas, le ciel n'a que faire des avis partagés ou pas. Excusez-moi, je viens de comprendre l'herbette en un seul mot, excusez-moi, j'ai fait quelques secondes, mais c'est excellent, je sais que vous pouvez poursuivre. très bien, je continue donc. Merci. À la veille des funérailles de Bobby Sands, nouvelle violence et émotion dans le monde entier. Enfin le printemps, la météo optimiste pour demain. 8h moins le quart. Parlons clair sur France Inter, Joseph Paletot reçoit ce matin Madame Monique Pelletier, présidente des comités de soutien à la candidature de Monsieur Giscard d'Estaing. Un coup d'œil rapide sur les titres de la presse du matin, Le Parisien, désabusé, un débat de plus. L'Aurore, Mitterrand, votez, vous verrez ensuite, et l'éditorial s'intitule Le clair et l'obscur. Je vous laisse deviner qui est le clair et qui est l'obscur pour l'Aurore. Le Figaro, Mitterrand se réfugie dans le flou. Le Matin a vu Giscard sur la défensive. Le Quotidien, Giscard, Mitterrand dos à dos. Enfin, pour l'Humanité, les questions de fond demeurent. Giscard a esquivé son bilan catastrophique, les moyens d'un véritable changement absent du débat. Alors, pour vous, Madame Pelletier. Eh bien, pour moi, j'ai assisté à un débat qui n'était pas un match de catch. Et donc, il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas eu des coups bas qui soient portés. Ni vainqueur, ni vaincu. Ah si, parce qu'il y en a un qui a conduit le débat depuis le début, c'est Giscard d'Estaing, qui a imprimé son rythme, qui a posé les questions, et pour sa part, qui a répondu clairement à toutes les questions. Si vous voulez un résumé très bref du sentiment que j'ai eu, c'est qu'il y avait d'un côté un homme d'État décideur, et de l'autre, le candidat des vœux pieux, du flou, un candidat de l'hésitation. Car en fait, les Français ont-ils été éclairés? C'est la question qu'il faut se poser, car ce débat était destiné à les mieux informer. Eh bien, j'ai le sentiment, et des échos que j'ai pu avoir autour de moi, de tous côtés, c'est qu'ils n'ont obtenu aucune autre certitude que celle que François Mitterrand rechercherait un gouvernement socialo-communiste, ça, il l'a dit, et que sa politique économique, par son imprécision même, par les impasses qui se posent, conduirait à une augmentation du chômage. Ce sont les deux points qui sont claires. Le reste, ce sont des vœux, des on verra, des peut-être. Voyons maintenant les réactions enregistrées à chaud par Noël Fantoni, François Vicard et Didier Hadès. Laurent Fabius, porte-parole du Parti Socialiste, dénonce, lui, les faux arguments de Valéry Giscard d'Estaing. Fidèle à son habitude, Giscard d'Estaing n'a pas pu s'empêcher de dire quelques contre-vérités. Sur les nationalisations, il est stupide de prétendre que le programme de François Mitterrand aboutit à 50% de nationalisation. C'est complètement stupide. C'est de l'ordre de 20%, pas plus. Contre-vérité aussi quant au pouvoir du président de la République d'agir avant la dissolution. François Mitterrand aura tout à fait le pouvoir d'agir par décret pour augmenter les allocations familiales, pour augmenter le SMIC. Donc, débat entaché malheureusement de quelques contre-vérités de M. Giscard d'Estaing. Enfin, pour Lionel Jospin, c'est clair. Hier soir, avec François Mitterrand, on a senti que c'était l'heure de la relève et Valéry Giscard d'Estaing n'a pas pu s'en cacher. Il a eu cet aveu, presque pitoyable. Il a dit « Vous pouvez et vous devez me réélire parce que j'ai changé ». C'est-à-dire qu'il avait la conviction profonde que, tel qu'il était auparavant, avec sa politique, il ne pouvait pas convaincre les Français. François Mitterrand, au contraire, a donné dans sa conclusion le souffle, la perspective qu'il manquait. J'ai eu l'impression, mais je ne veux pas trancher à la place des Français qui le feront dans quelques jours, qu'on assistait peut-être ce soir à une relève. Giscard de roc et Mitterrand de velours, c'est le titre d'un grand quotidien belge. Les journaux étrangers commentent abondamment le duel télévisé, une revue de presse signée Bertrand Vanier. La bourse ne sait plus où donner de la tête, le franc remonte mais les valeurs françaises rebaissent, une preuve de plus de l'incertitude du second tour. Nous verrons cela avec Jean-Paul Bonamy et son bloc-notes électoral. Veillée d'armes pour un martyr, demain les obsèques de Bobby Sands en Irlande du Nord avec un mot d'ordre de grève générale de 24 heures lancé par les catholiques. À Belfast, le reportage de l'un de nos envoyés spéciaux, Quentin Dickinson. Pologne, deux nouvelles victoires pour Waleza. Les paysans auront eux aussi leur syndicat indépendant. La loi vient d'être signée. Solidarité aura un temps d'antenne permanent à la radio et à la télévision. La loi va être signée. Commentaire de Pierre Gans. Les prévisions météo de René Chabou. Réchauffement spectaculaire. La fin de semaine sera lourde. 19h20, retour à la politique avec le téléphone sonne. Le mode d'emploi du parfait petit électeur. Les modalités pratiques du vote de dimanche, notamment le vote par procuration. Invité deux spécialistes du Centre d'information civique. Vos questions au 524-7000, débat dirigé par Claude Guillaume. Il en est des débats télévisés comme du reste, chacun voit midi à sa porte et c'est bien normal. Mais, et c'est moins habituel, aucun des deux camps ne pousse les cris de victoire jusqu'au triomphalisme. À l'image du débat lui-même, ardent mais courtois, les réactions sont avec 24 heures de recul nuancées et prudentes. Nul d'ailleurs ne peut savoir quel sera l'impact réel du débat télévisé sur l'opinion. Rien ne prouve que les hésitants n'hésitent plus. Or, ce sont eux qui feront la différence dimanche à l'heure du verdict. Les téléspectateurs ont eu leur duel. La parole est maintenant aux électeurs. Élysée 81, le suspense de l'entre-deux-tours. Merci aux documentalistes de l'INA et à Sophie Schleblin de la documentation d'actualité. Lecture Samuel Glomé, Nathalie Canoui et Talia Haussmann. Coordination Perrine Kervran et Marie-Vonne Apollivier. Page internet Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret. Prise de son Jean-Louis Deloncle. Mixage Claude Niort. Un documentaire de Christelle Lepolotec et Anne Fleury. LSD, c'est fini pour aujourd'hui. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans l'entre-deux-tours, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Apollivier, Mathias Mégy et Anne-Lise Signoret.